pas en glace verte, toi. Semble bien que c'était toi, hein. Avec ton vieux accent de chanteur de rap, hip-hop. Et cette manie que tu as de clasher partout comme en Lara. C'est excessivement énervant. Ok, ok. La boîte de chocolat, ouais ma couille. FLO. C'était un con film. Lasse-moi là. On en reparle ces jours-ci. Mais c'est une catastrophe, ce type, hein, tellement ils sont concernants. On n'en peut plus de toi et toute ta famille, c'est à ce point-là, là. Le 16. Il n'a rien à dire, ce pays. Je suis désolé, c'était un con film. Et puis tout ce mouvement. Je les ai urdinés à soi. Tous. Eh ben rien. Une tombée d'imbéciles. Une fois arrivé au sort où on est arrivé, au sommet de nos pyramides sociales, disons. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous impressionnent encore? Bon, et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais. Tu te rappelles quand j'ai appris à faire du vin? Eh ben, j'avais plus conduire. Parce que tu étais sous. Mais c'est un train ou bien c'est un bus? Mais c'est en fait, c'est un train, au début il part en train. Ouais. Et à mi-chemin, il devient un bus. Tout doucement, il se transforme en bus. C'est le seul qu'on a ici. Tu peux pas conduire, papa? Il a emporté son permis. Je vais essayer quand même. Ça marche, c'est un miracle. Mais qu'est-ce que c'est délit? Le Florentin, puis quoi encore? Y'a un moyen de tout, tout est négociable, je dis, n'a pas un plan tarifaire avec les prix, hein. Est-ce que t'es épilé? T'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines? T'as pas de copines? Mais quand ils t'ont pas loupé, là, je sais pas si c'est un cheval ou une truie, non, mais. T'as ta tronche ou quoi? Bon, c'est faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein. Tellement que c'est bon.